Ticino, mon amour. L'été s'annonce bien. Faustine travaille énormément. Le Hard est souvent noir de monde. Des Bavarois, parfois des Allemands du Nord qui s'engagent sur l'autoroute à la bretelle de Bersfelden. La jeune femme essaye de parler le plus possible avec ces clients-là pour peaufiner son allemand. Elle n'aime pas du tout le rocailleux Schweizerdeutsch, lui préférant le mélodieux accent berlinois. Elle essaye, tant qu'à faire, de prendre de bonnes habitudes. René a commencé son chantier au Tessin. Il est parti depuis le début du mois. La dernière fois qu'il lui a téléphoné, la pose des moquettes se passait plutôt bien. En son absence, Faustine a invité Tata Maria à visiter son logis qu'elle avait briqué du sol au plafond pour l'occasion. Maria n'a rien dit, mais elle n'a pas réussi à dissimuler une grimace de désapprobation en apprenant l'âge de l'élu, puis en découvrant les conditions de logement de Faustine, à la limite de la salubrité. Or, la jeune femme n'en a pas grand-chose à faire. Sa vie privée ne regardant personne d'autre, elle demande juste à sa tante de ne pas en parler à sa mère. Faustine ne révèle pas non plus qu'il lui arrive de plus en plus souvent d'appeler chez son père, auquel elle n'ose pas parler, raccrochant aussitôt qu'elle répond. Elle ignore que sa tante le connaît bien, qu'ils sont toujours restés en contact. Faustine évite également de confier à sa tante des aléas comme celui de l'autre jour, quand elle avait tellement mal au ventre à cause de ses règles qu'elle n'arrivait plus à mettre un pied devant l'autre. C'est M. Berger, en époux et père de famille expérimenté, qui lui a concocté le remède miracle. Un thé à la menthe avec une bonne mesure de gin. Formidable! En 5 minutes, le mal était passé. Faustine avait pu continuer à galoper comme si de rien n'était. 2 jours plus tard, Trudy est malade. Il faut la remplacer. Faustine se propose. Quelle inconscience! Si elle avait su à quel point c'était pénible de travailler non-stop de 8 heures du matin à minuit pendant la pleine saison qui plus est, elle ne s'y serait jamais risquée. Pour tout arranger, ce jour-là, le couple Berger ne pouvait pas collaborer au service. Leur fille de 23 ans, Tricia, étant rentrée de Zurich dans sa jolie petite MJ, elle les accaparait. Pour une fois que la famille, ils ont aussi un fils de 19 ans, était au complet, ils avaient bien l'intention d'en profiter. Sinon, à quoi ça sert d'être patron ? Monica explique à Faustine que si la fille aînée vient rarement, c'est parce qu'elle travaille à l'aéroport de Zurich-Lautern en tant que contrôleuse aérienne. C'est un boulot qui requiert un maximum de concentration. Tricia ne bosse jamais plus de 3 ou 4 heures d'affilée, de jour comme de nuit. Elle se débrouille pour cumuler les jours de vacances et comme elle bénéficie de la quasi-gratuité sur tous les vols suissaires, elle s'évade aux 4 coins du monde chaque fois que ça lui chante. En ce moment, elle passe tout son temps libre à Mykonos, une île grecque où elle retrouve une joyeuse bande de copains. Comme Faustine l'envie. Un métier passionnant pour un salaire royal, voyager et conduire une décapotable. Heureusement, le petit pincement au cœur ne dure pas. Faustine sait qu'elle possède l'amour de son René et toute la vie devant elle pour voyager. La preuve, demain, elle est attendue à Lugano. 4 heures suffisent pour traverser toute la Suisse du nord au sud, grâce à ses nombreux tunnels. Faustine prend le rapide de 17h04 qui arrive à Locarno à 20h27. Réminiscence de son enfance où chaque éloignement de la cellule familiale était synonyme de calme et de laxité, Faustine retrouve systématiquement l'effet magique dès qu'elle pénètre dans une gare. Elle se shoote aux odeurs d'asphalte et de goudron chaud. Elle suit du regard les pigeons qui roucoulent sous les armatures en fer forgé. Elle admire les jeux d'ombre et de lumière, le soleil qui joue à cache-cache. Dans le compartiment, elle s'installe côté couloir, car elle passera le plus clair de son temps en bout de wagon à côté des toilettes, là où on peut ouvrir la fenêtre très bas, se pencher jusqu'à la taille et aspirer l'air à plein poumon. Elle ne quittera sa vigie que pendant les 10 minutes indispensables à l'ingestion de son léger souper. Nous sommes vendredi et Faustine peine à trouver une petite place au milieu des familles italiennes qui rentrent chez elle, à Milan le plus souvent. Elle les observe avec amusement, dévorer d'énormes sandwichs à la mortadelle ou au salami, tout en riant à tout bout de champ. Elle refuse poliment la cuisse de poulet froid qu'on lui tend, mais elle sourit franchement en les écoutant pousser la canzonetta, tandis que le chien qui passe de main en bouche. Faustine sait qu'elle a du sang italien dans les veines. Elle regrette de ne pas comprendre les paroles des chansons, mais elle se jure bien d'apprendre sa langue un jour. Le paysage est varié. Passé les régions industrielles du nord du pays, on arrive à Zurich, mégapole du monde des affaires et de la finance. Puis on amorce la longue descente vers l'Italie en longeant le lac de Zurich, avant d'entrer dans le tunnel du Saint-Gothard. À sa sortie, l'ambiance est déjà tout autre. Il y a un je ne sais quoi dans l'air qui annonce la plaine du Pô, la Méditerranée, le Farniente, la Dolce Vita, et qui se précise à mesure qu'on se rapproche de l'Italie, même si Bellinzona, l'incontournable carrefour, n'est pas exactement une ville touristique. C'est là que Faustine change de train pour emprunter le petit tortillard régional qui poursuit vers Locarno. René l'attend sur le quai, le chien Rex à ses côtés. Les deux lui font fête. L'albergo di Brisago, à la Via Pioda, ne paie pas de mine. La première salle donnant sur la rue est banale, et ce n'est qu'une fois rendu dans le patio qu'on profite d'une perspective extraordinaire sur le lac majeur, par une échappée entre deux immeubles. À l'avant-plan, un palmier élancé départage, indigo céleste et turquoise lacustre. La tenancière Nonna Ferrari, respectable quinquagénaire, règne en matriarche sur la maisonnée. Son fils et sa fille s'occupent respectivement de la cuisine et des chambres. Ces dernières sont situées tout autour de la mezzanine qui surplombe le patio. Chacune est équipée d'un simple lavabo. Les douches et les WC sont sur le palier. René prétend qu'en dépit du confort sommaire, on mange admirablement. Pour l'heure, Nonna ne voit pas d'un très bon œil cette jeune femme qui accompagne le René. Mais Faustine, avec sa gentillesse matinée d'éducation, va vite la détourner de son complexe de moralité. Après tout, on est proche de l'Italie. La Dolce Vita, elle y a droit aussi. Elle ne manque jamais de complimenter la patronne pour son excellente cuisine et se débrouille pour donner le moins de travail possible à la femme de chambre. Le reste du temps, la jeune femme se promène alentour. René lui a fait visiter le domaine dans lequel il est chargé d'installer la moquette. Ce sont des petits immeubles de 3 étages très luxueux, nichés dans un écrin de verdure, comme le précise la publicité. Hall d'entrée en vrai, faux, marbre, spacieux appartement, une salle de bain par chambre, cuisine agencée avec électroménager de luxe, etc. Tout cela, bien entendu, ne vaudrait rien sans la vue imprenable sur le lac. Faustine admire tant et plus. Elle se plie bien ici. Elle se dit qu'elle sait désormais où elle finira sa vie, pour autant qu'elle en ait les moyens.